Bien, comme vous le savez déjà, l'anglais et le français ont les mêmes racines latines, mais l'anglais, à la différence du français, a également reçu des influences des langues germaniques suite aux invasions anglo-saxonnes qui se sont succédées entre le 5e et le 6e siècle de notre ère. L'anglais présente donc un certain nombre de caractéristiques qui proviennent de ces langues germaniques. L'une d'elles est l'usage de verbes suivis d'une particule, c'est-à-dire d'un de ces petits mots tels que in, out, on, off, up, etc. Michel Thomas introduisait déjà dans ses cours quelques-uns de ces verbes à particule. Alors par exemple, si vous voulez dire j'ai perdu ma clé et je ne peux pas entrer, vous pouvez dire I've lost my key and I can't enter. Mais la plupart des anglophones emploieront plutôt to get suivi d'une particule pour traduire entrer. Alors, pouvez-vous deviner laquelle? I've lost my key and I can't get. In. In, of course. Donc, I've lost my key and I can't get in, avec in qui signifie à l'intérieur. Et si par malchance c'est l'inverse qui vous arrive, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre en sortant a fermé à clé sans penser que vous étiez resté à l'intérieur, alors ce n'est pas in dont vous allez avoir besoin, mais son contraire, out. Alors, comment direz-vous en employant la forme du passé avec have, elle a fermé la porte à clé et je ne peux pas sortir? She has locked the door and I can't get out. She has locked the door and I can't get out. Quel dommage. What a shame. Encore un exemple pour traduire à quelle heure le train arrive-t-il? Vous pouvez bien sûr dire What time does the train arrive? C'est tout à fait correct. Mais au lieu d'employer to arrive, vous pouvez aussi employer to get suivi de la particule. Donc, à quelle heure le train arrive-t-il? What time does the train get in? What time does the train get in? Avec get in, sous-entendu in the station, où to get in revient ici à dire entrer en gare. Alors les anglophones sont très friands de ces verbes à particules. Bien sûr, vous emploierez peut-être plus facilement to arrive, qui ressemble beaucoup au français, et pourquoi pas. On vous comprendra tout autant, mais il est utile de connaître le verbe à particules, car vous ne manquerez pas de l'entendre dans la bouche de vos interlocuteurs anglophones. Les verbes à particules sont généralement plus courants que le verbe équivalent d'origine latine, mais les deux seront compris. Donc prenez cette richesse de l'anglais, ce choix possible, comme un plus et non comme un obstacle. Alors encore une fois, au lieu de What time does the train arrive? On dira plus souvent What time does the train get in? What time does the train get in? Bien. Et maintenant, puisqu'on parle de transport, je voudrais vous parler de deux autres emplois de to get suivi d'une particule. En français, on parle de monter dans un bus et descendre d'un bus, tandis qu'en anglais, on dit to get on a bus et to get off a bus avec off qui s'écrit O2F. Donc, à ne pas confondre avec of, OF, qui veut dire de. Et c'est la même chose avec le train ou l'avion, donc l'avion qui se dit plane, Plane. Alors, si nous avons dû se dit we had to, comment direz-vous, il y avait un problème et nous avons dû descendre de l'avion rapidement? Je vous laisse deviner la traduction de rapidement suivant la transformation des adverbes en ment en adverbe en les. Alors, il y avait un problème et nous avons dû descendre de l'avion rapidement. There was a problem and we had to get off the plane rapidly. There was a problem and we had to get off the plane. Donc, to get off the plane, c'est descendre de l'avion. Rapidly. On peut aussi dire quickly, qui est un mot encore plus courant. Quickly. Quickly. Bien, vous aviez peut-être appris avec Michel Thomas le mot pour dire journal, qui est newspaper. Newspaper. Encore un mot qui est en fait le fruit d'un collage à l'anglaise, puisqu'il est composé de news, les nouvelles, et paper, le papier, pour former le papier des nouvelles, c'est-à-dire le journal. Et donc, comment direz-vous, je suis monté dans le train, et ai commencé à lire mon journal. I got on the train and started to read my newspaper. I got on the train and started to read my newspaper. Si vous avez employé to start pour dire commencer, well done. Si au contraire vous avez employé le verbe le plus proche du français, to commence, il est moins courant, mais pas de souci car votre balle passera au-dessus du filet. Alors voyons encore un exemple avec to get suivi d'une particule. Si se lever se dit to get up et 4 se traduit par for, F-O-U-R, comment direz-vous je me lève à 4 heures tous les matins? I get up at 4 o'clock every morning. C'est ça. I get up, je me lève, at 4 o'clock every morning. Voilà quelqu'un qui n'est pas paresseux. Not lazy. L-A-Z-Y.